Wongol! Hein? Bibi encore? Allez, là, je parle de Kibola Bola. Kibola Bola est celui qui est ni chaud, ni froid, et qui sait la vomi. Kibola Bola est celui qui s'est détourné de sa mission, ou encore de sa vision. Tika, Kibola Bola, Tika, Kibola Bola, Bola, Bola, Tika, Kibola Bola, Bola, Bola, Tika, Kibola Bola, Bola, Bola, Tika, Kibola Bola, Bola, Bola. Monsieur Bandaki ya molimo lelo etenga mi. Monsieur Bandaki ya Yesu lelo etenga mi. Pima la bondo, pima la kimbuma, pima la kiche, pima la kipede, pima la kilele, pima la kikulune, pima la balon. Zonga na vision ya Yesu. Zonga pardon, zonga ko. Adi je t'appelle zonga. Sanga ko ekanyo so ezanini komuna ba Kristu nde balata ipokrizi na nzoto boniko na zo kamwa mingi kwa mu Kristo modele nini yo na moi kretien na butumo pagano ozaki bola bola na kongo negiza na pokwa na bwata ozaki bola bola. Toi, maman prophétesse, maman, les prophéties sont devenues circonstancielles. Bon que, en vivio, maman, papa, mon côté, c'est qui mercenaire, y'a la lingomba, qui bola bola, tika, qui bola bola, visé tengani, visé banda qui n'a moli, mon dosso qui n'a moussoli. Je banda qui n'a moto moto fa. Tika, Kibola Bola. Tala Kibola Bola, tata pasteur, yo tata pasteur. O come si li bonde li a kosomba na mbongo. E comme qu'on dépendre selon valeur et action de grâce. Selon valeur et appel de fond. So ki bongo a mouke, li bonde li a mouke. Bongo e bele, li bonde li a kosto. Kombo tata pasteur de koma liboso libonde li to chasima ma Kristo kalabayala ki yango ko lobuka na tongo abanda kana ko buka mabolongo pona lo sambo oya lelo to koma ko banda soko la muki tongo loko beta loboko oko luka telefone bola la kanango longote le idolatri na yote nango ko lokota obandi na Facebook obandi na WhatsApp deko tika tika tika tika libola bola. Tika mi bola bola bola bola, tika mi bola bola bola bola, tika mi bola bola bola bola, tika mi bola bola bola bola. Jésus-Christ élève, il est tellement merveilleux que... koboya ye pas. Kozanga ye pas. Yaka na Yesu mama. Yaka na Yesu ndeko. Ah! Matéo continue à suivre.